Chapitre 5. Lord Hammersby n'avait pas vraiment fermé l'œil de la nuit. Il déjeuna très tôt. Il commença à s'agacer de la nonchalance de son facétieux invité lorsque celui-ci daigna enfin se présenter au repas du matin. L'Écossais était frais et dispo. Archibald avala sans émotion visible du thé, des pancakes, puis, se tapotant les lèvres avec sa serviette, déclara dans un large sourire « Y va-t-on ?» Les deux hommes se rendirent dans le boudoir où les tableaux des ancêtres de Lord Hammersby semblaient jeter des regards hautains sur ceux qui déambulaient en ces lieux. Macgrave se planta devant le portrait de Grace Elliott. Elle y était représentée éternellement jeune. Ses cheveux blonds dépassaient d'un large haut de forme en cuir et velours bleu ceint d'un ruban parme porteur d'un camé. Son front et son visage lumineux avaient la blancheur d'une fleur de lys, et cette blancheur était merveilleusement contrastée par la fraîche couleur vermeille de ses lèvres. Posée sur la joue gauche, une mouche que l'on appelait une gaillarde ou une effrontée était sans doute là pour rappeler que la jeune femme n'était pas que belle. Mais ce que voulait montrer le policier à son ami se trouvait sous le tableau, sur une console. Un buste d'homme en plâtre. S'il eût été en marbre, on aurait pu croire au visage d'un empereur romain. « Que pouvez-vous me dire sur ce buste, Milord ?»« Rien, hélas, si ce n'est qu'il a toujours été là. »« Eh bien, ce buste est une œuvre de Simon Mention, comme votre meuble à secret. Il représente André Grétry, qui était un compositeur belge. »« Quelqu'un d'apparenté à ma famille ?» demanda Hammersby. « Absolument pas. C'est ce qui a retenu mon attention. Il était l'intrus au milieu de vos ancêtres. Il avait donc valeur d'indice. » « Connaissez-vous l'œuvre majeure de Grétry ?»« Pas plus, hélas, » confessa le noble. « Eh bien, c'est un opéra qui date de 1784 et qui s'intitule « Richard Cœur de Lion ». Le comte semble alors frappé par la foudre, un éclair de lucidité. « Le roi dont le peuple pleure l'absence », bredouilla-t-il en anglais. « Exactement. Allez, venez, suivez-moi. » Quelques instants plus tard, les deux Beefeaters réapparaissaient derrière le manoir, sur une longue esplanade qui dominait le parc. Un petit mur à balustrade la bordait, dominant un jardinet de plantes aromatiques. Un escalier sur la droite descendait vers l'église du château. À l'intérieur de l'abbatiale, au sol, des dalles de marbre signalaient la présence des sépultures des châtelains de Sandworth. Ils avancèrent jusqu'à celle qui rendait hommage à Lady Bentinck. Puis, le superintendant leva les yeux au ciel. Un magnifique vitrail laissait filtrer la lumière du jour dans un kaléidoscope de couleurs chatoyantes. Alors qu'il le voyait sans le voir tous les dimanches, Hammersby prit cette fois le temps d'en détailler le motif. Il s'agissait d'un soldat croisé coiffé d'un casque en or, brandissant de la main droite une épée et s'appuyant à ce nestre sur un bouclier rouge frappé des trois lions d'Angleterre. Un cage et Richard se détachaient en noir, sur fond blanc, au-dessous. « Nous brûlons !» comme disent les enfants quand ils jouent à cache-cache, s'amusa Macgrave. « Il n'a pas cependant de pieds d'argile, mais des bottes en côte de maille, » objecta Reginald. « Certes, mais la statuette qui est immédiatement sous le vitrail, elle, est bel et bien en argile, et elle représente saint Antoine de Padoue. »« Et que doit-on faire maintenant, prier ?»« Saint Antoine de Padoue, vous qui trouvez tout dans les coins et dans les trous, faites que nous retrouvions le sceptre de Dagobert, s'il vous plaît. » salmodia le noble, mi-sérieux, mi-amusé. Pour le coup, moi, je préfère Saint-Antoine de Padoue, vieux coquin, vieux filou, rendez ce qui n'est pas à vous, répliqua le policier sur le même ton. Joignant le geste à la parole, il souleva la statue et la déposa précautionneusement au sol. Derrière, dissimulé aux regards indiscrets, se trouvait un grand mécanisme en forme de roue crantée mobile et en son centre, un petit plus, représentant un chardon. Le symbole qui apparaissait sur la grande roue alors était une sorte de 2 en numérotation latine, mais dont les barres supérieures et inférieures auraient été altérées et gondolées par le temps. « Le poème n'évoque pas un 2 en chiffres romains, ce que je sache, » s'inquiéta le lord. « Effectivement, il nous dit, « l'insigne glorieux qui fut le désastre, signe mouvant des étoiles et des astres. » Macgrave mit alors à faire tourner la roue jusqu'à ce que le cadran affiche un homme stylisé, courbé comme en prière. C'est une roue astrologique. Nous étions sur les Gémeaux, or il est plus approprié de mettre le lion au cœur du système en l'honneur du roi Richard. Pour autant, il ne se passa rien. Le comte regarda Macgrave, puis le mécanisme, puis à nouveau Macgrave. Rien, il ne se passe rien, se désespéra-t-il. Le policier de Scotland Yard, sans piper mot, se mit alors à faire tourner le dispositif central qui fit un cliquetis de boutons de coffre-fort. Après le chardon apparut un trèfle, puis une rose, puis un poireau, et finalement Archibald sembla se contenter d'une fleur de lys. Une fois le pictogramme stabilisé, l'Écossais ouvrit la paume de sa main et appuya énergiquement sur le poussoir. Dans un crissement métallique, le coffre s'entr'ouvrit. Une fois qu'il fut complètement ouvert, les deux Britanniques restèrent médusés. Une étoile de soie blanche fleur de lys et d'or tapissait la cachette. Elle avait probablement enveloppé le sceptre de Dagobert toutes ces années. Mais du bâton royal, il n'y avait plus trace. En revanche, une petite carte en bristol était posée de manière bien visible au beau milieu de la draperie. Le comte estomaqué s'en saisit, la lut, blêmit et la remit à l'enquêteur. Sur la carte de visite gaufrée, un message écrit à la main était rédigé en anglais. Que la famille Hammersby soit chaleureusement remerciée d'avoir veillé si longtemps sur le sceptre de Dagobert, évitant à ce trésor national de finir fondu lors de la Révolution. Vous êtes ce jour relevé de votre mission. Je me charge personnellement de faire regagner sa mère patrie au sceptre des reines, avec toute la reconnaissance du peuple français, Arsène Lupin. Mais pour les deux Britanniques, le pire n'était pas dans le contenu de la lettre, mais dans les nombres qui figuraient en entête, car le message s'avérait simplement daté de la veille. Ainsi s'achève Le sceptre de Dagobert par Arnaud Fontaine.